Sur cette terre, il y a deux races. La race des bons, la race des grands. Il faut que je m'y fasse. La vie était face à face. Oh, trop bon, trop con. C'est ce que me disait mon grand-père. Trop bon, trop con. Ta famille est prioritaire. Trop bon, trop con. C'est ce que me disait mon grand-père. Trop bon, trop con. Éloigne-toi des marchands de misère. Repose-toi, bats-toi pour rester droit. Et quel que soit ce qui arrivera, accroche-toi, accroche-toi à ta voix. Et j'ai dit à mon âme, calme-toi, garde ton sang-froid. Quel que soit ce qui arrivera, la lumière de ta foi jaillira. Oh, trop bon, trop con. C'est ce que me disait mon grand-père. Trop bon, trop con. Ta famille est prioritaire. Trop bon, trop con. C'est ce que me disait mon grand-père. Trop bon. Éloigne-toi des marchands de misère. Sur cette terre, il y a deux races. La race des bons, la race des grands. Sur cette terre des hommes, il y a deux races. La race des bons, la race des grands. Il faut que je m'y fasse. La vie était face à face. Oh, trop bon, trop con. C'est ce que me disait mon grand-père. Trop bon, trop con. Éloigne-toi des marchands de misère. Trop bon, trop con. C'est ce que me disait mon grand-père. Trop bon, trop con. Ta famille est prioritaire. Trop bon, trop con. C'est ce que me disait mon grand-père. Trop bon, trop con. Ta famille est prioritaire. La lumière.